Chapitre 4. Sur la route durcie par le froid, un landau venant de Vernouillet, entouré de grands chiens, braques et danois, allait à fond de train dans la direction de Bure. Le cocher maigre avait peine à maîtriser une paire de chevaux blancs à crinière touffue. Deux vieillards occupaient la voiture. L'un d'eux portait un bonnet d'astrakan et des lunettes jaunes, l'autre un chapeau de velours bleu orné d'un panache de plumes rouges, noires et vertes. Les longues barbes grises des deux hommes flottaient au vent par-dessus leurs épaules. « C'est fâcheux, » badina le premier, avec un coup d'œil ironique sur l'étrange coiffure de son voisin. « On vous prend partout pour monde d'Alisque. » Le masque livide du second s'éclaira d'une expression amusée et un rire gargouilla dans sa gorge. « Hein, hein, hein, hein, c'est un beau chapeau, » fit-il. « Il a été porté par mon aïeul, le prince Adam Babienski, grand chancelier de notre sainte Pologne. Hein, hein, hein, hein. » Il leva les bras et abattit sur le dos du cocher sa grosse canne à pommeau d'or. « À gauche, répare !» cria-t-il. Le cocher claqua son fouet joyeusement, puis il tourna la tête afin de montrer le sourire qui ridait sa face rétrécie. « À droite, à gauche, ce sont les seuls mots de français que ce fidèle animal entende, » expliqua le prince. « Depuis 20 ans qu'il habite ce pays, je lui défends de comprendre aussi bien les choses qui se disent que les choses qui se font. » Il pense à la Pologne quand il a besoin de réfléchir, et je vous promets qu'il n'a pas lu Rousseau. Je peux le frapper, c'est mon esclave. Tandis que vous, mon cher Vincent Louvier, après avoir été ministre pendant 15 ans de votre vie, vous n'avez le droit de frapper personne. Hein, hein, hein, hein. Tortionnaire, riposta Louvier, tandis qu'un tic de ses sourcils faisait tressauter ses lunettes. Derrière deux immenses noyers dénudés, à proximité d'un croisement de chemin, venait d'apparaître la maison des Fauvarques. Elle comprenait un corps de logis et une grange se joignant en angle droit. La toiture, en vieille tuile, était posée comme au hasard, chapeau trop large et cabossé, sur les murs enduits de blanc de céruse, où grimpaient des rosiers squelettiques. D'un côté s'étendaient les champs, de l'autre un bois dont la lisière serrait le ruban clair de la route. La voiture s'arrêta. Les chiens du prince aboyèrent tous ensemble. « Voilà, voilà !» fit une voix de l'intérieur, et la grille s'ouvrit sur Fauvarque. Fortifiés par 15 mois de séjour à la campagne, les muscles développés, les jarrets robustes, ils déployaient dans chaque geste une apparence de décision. « Ma femme vous attend, près d'un bon feu, » dit-il. « Excusez mes mains sales, je peignais lorsque vous êtes arrivés. » Ils passèrent dans une salle de plein pied avec le jardin, large, profonde, aux épaisses murailles, au plafond haut. Fauvarque l'avait entièrement décoré. De même, il avait en partie abattu le mur faisant face à l'entrée, si bien qu'une petite pièce dont la fenêtre grillée découpait un carré de ciel et d'arbres formait renfoncement à droite de la cheminée. Sur deux panneaux encadrés de moulures brunes, des fresques chatoyaient. Sur le sol, c'était une assemblée de sièges trapus. Fauteuils, banquettes, tabourets, qui tous découpés dans des planches de chêne et peints de couleurs violentes, faisaient sauter entre leurs bras, avec une bonhomie comique, des coussins joufflus. Jeanne vint recevoir ses hôtes au seuil de l'atelier, installé dans l'ancienne grange. « Jeunesse, perfide jeunesse, tu persistes à me cacher ton secret, » fit Louvier en saluant Jeanne. Babienski, grand et lourd, marchait avec difficulté. Il arriva essoufflé au milieu de l'atelier. Il s'assit sur le rebord d'un fauteuil et respira quelques instants avant de parler. « Cet homme vous fait des compliments, » dit-il d'une voix traînante, en désignant Vincent Louvier. « Mais il est vieux, ne l'écoutez pas, madame. Venez vous asseoir près de moi qui suis encore au printemps de mes jours. »« Vous y êtes tous les deux, » répondit-elle. « pas lui, » insista le prince avec une ironie nonchalante. « Il devient périlleusement fou. » « N'est-ce pas votre avis, madame ?» demanda Louvier. Jeanne ne répondit pas. Elle rit. Elle riait fort, pour n'importe quoi, parce que c'était sa joie intérieure qui l'entraînait. Elle vivait, depuis 2 mois surtout, sans besoin d'événement au milieu d'un rêve où l'avait plongé Fauvarque. Celui-ci était parvenu, après 3 ans de recherche, au sommet de son art. Tout l'annonçait, orgueil plus mal, regard plus dur, les réflexions, les remarques, les projets qu'il laissait tomber aux entretiens du soir, sans y prendre garde. Outre 5 fresques aux dimensions restreintes, il en avait composé 2 mesurant 30 mètres environ et qui, roulées sur elles-mêmes, occupaient les murs latéraux de l'atelier. Personne encore ne les avait vus terminer. Parmi ses amis de la ville, Husselin, de plus en plus absorbé par les affaires et la vie mondaine, ne donnait plus guère de ses nouvelles, ne venait plus. Santilès avait laissé plusieurs lettres sans réponse. Foutrelle surgissait de temps à autre derrière les barreaux de la grille, mais il disparaissait pour des semaines. Seuls 2 riches industriels, M. Desmonts et M. Fouqueroux, étaient réguliers dans leurs visites. Bien souvent, ils emportaient dans leur voiture la dernière toile de Fauvarc, opération qui constituait la principale ressource du ménage. Le prince et l'homme d'État retraité, qui demeurait à Vernouillet et qu'ils avaient connu sur la route, venaient aussi les voir fréquemment. Mais eux n'achetaient rien. Leur collection assez ridicule était complète. Leurs idées, vieilles d'un demi-siècle au moins, s'étaient solidifiées dans leur cerveau fatigué. Et tous les deux célibataires pratiquaient l'économie. « Vous êtes les premiers à connaître ces chefs-d'œuvre, » dit Jeanne, en leur désignant les 2 immenses fresques. « Pressez-vous de les regarder, parce que nous attendons ces jours-ci des marchands, et vous risquez fort de ne plus les revoir. » Monsieur Louvier, à travers ses lunettes jaunes, et le prince Adam, à travers ses yeux éteints, obéirent avec ennui. L'une des fresques représentait les branches mêlées d'un châtaignier, d'un platane et de 2 acacias battus par un coup de vent, et sur lesquels ruisselait le soleil. Tournée en volute, érigée en spirale, pivotant sur elle-même, décrivant des cercles vertigineux, elle recevait du fond des nuages déchirés une masse de lumière compacte qui les écrasait et semblait les dévorer. L'autre était remplie par une grappe de raisin que le soleil frappait par derrière. « Oui, c'est une grappe de raisin, » dit en souriant Fauvarc. « On peut la trouver formidable, mais c'est une grappe de raisin. » « Très bien, vraiment très bien. Et vos amis, comment vont-ils ? » fit M. Louvier en se tournant vers le peintre. « J'ai rêvé, savez-vous, à votre père Beaugrand. Ah ! Vous m'avez bien amusé. Après la description que vous m'en avez faite, ma tentation de le connaître était si forte que j'ai été le voir. Eh bien, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Désormais, je m'en tiendrai à ce que vous me dites. Ce sera beaucoup plus intéressant. Vous ai-je parlé du père Plomion ? « Comment est-il ? Ah ah ah ! L'homme le plus prodigieux que j'ai rencontré de ma vie, plus grand que nature et énorme. C'est un de ceux que je peindrai dans ma toile des paysans. Comment est-il ? Phénoménal, je vous dis. 6 pieds de haut, 2 épaules, comme ceci, une poitrine qui ressort comme celle d'un poulet, et 2 jambes en demi-cercle qui sentent une paire de faucilles. Pouah, il est horrible, » fit Jeanne. « Superbe, au contraire, il a un corps unique, couvert de boutons, de verrues, d'ampoules. Des masses d'herpès ont pris d'assaut sa nuque écarlate. Son dos est tuméfié, crevassé par les dartres et les eczémas, si bien que sa peau endurcie, épaissie, rappelle l'écorce du chêne. Avec la sérénité d'un arbre, il laisse pousser tout ça. » Les 2 vieillards regardaient le peintre avec des yeux amusés, mais sceptiques. Cet homme les attirait, mais faiblement. Ils ne tenaient pas trop à le comprendre ni à s'exalter à son sujet, car ils étaient au fond blasés en ce qui concerne les enthousiasmes de l'esprit. Jeanne, qui offrait le reflet gracieux et affaibli de son mari, suffisait à combler le vœu de leur curiosité. « C'est très bien, » dit à son tour le prince Adam, parlant à Fauvarc. « Vous avez de l'enthousiasme. Nous ne pouvons que vous en féliciter. Mais moi, qui suis un raisonneur de profession, je me demande si, au milieu de vos occupations, vous avez le temps de vous apercevoir que vous vivez auprès d'une femme charmante. « Ah, maladroit que vous êtes, prince !» s'écria M. Louvier, mis à l'aise par ces mots. « Vous voulez éclairer notre Fauvarc ? Il connaît les attraits physiques de cette chère petite, je vous en réponds. Mais pour ses qualités morales, madame, est-ce qu'il les apprécie ?»« Un peu. » »« Et cependant, reprit le vieil homme, vous êtes admirable. Il vous suffit pour vous dire heureuse d'avoir un foyer à diriger, un mari à choyer, un potager à cultiver, tout cela loin au fond d'une campagne. » « Tout cela, » rectifia Jeanne avec la certitude, « que mon mari est un grand homme, c'est quelque chose. »« Ah oui, le père Plomion, je le prendrai sûrement, » répéta Fauvarc, affectant de n'avoir prêté aucune attention aux propos échangés. « D'ailleurs, maintenant, c'est merveilleux. je fais ce que je veux. J'ai l'impression de marcher dans un domaine où il n'y a plus de secret pour moi, où je connaîtrais le moindre caillou. » Il y eut de nouveau un long silence. Les vieillards se disaient que Fauvarque attachait trop de prix à des satisfactions d'une qualité médiocre. Chacun d'eux rempli de souvenirs brillants, en possession d'un lot complet de réalisations, opposait aux espoirs du peintre la masse entière de son passé. Ils en venaient à le mépriser sourdement. « Madame, croyez-moi, » dit avec un sourire languissant le prince Adam, qui avait besoin de respirer plusieurs secondes entre chaque phrase, « croyez-moi, quittez cet homme trop absorbé par ses travaux, et cherchez celui qui n'aura que vous pour unique pensée. Je vous offre humblement mon nom, ma fortune, tous mes ancêtres, mon expérience, et peut-être un jour serez-vous la reine vénérée de notre sainte Pologne, sur laquelle j'ai des droits séculaires. Jeanne et Louvier éclatèrent de rire. Le prince, haletant d'avoir trop parlé, tourna ses yeux verts du côté de Fauvarque, et il le regarda longuement avec ironie. Mais le peintre ne riait pas. Il reconnaissait une fois de plus sous ce badinage le travail sournois par lequel ces deux vieillards, aux chairs flétries et aux bouches sensuelles, s'efforçaient de miner la confiance que Jeanne avait mise en lui. La jeune femme retint ses hôtes jusqu'à 5 heures. Elle s'amusait de leurs adulations. De plus, il racontait parfois des histoires qui, même insignifiantes, évoquaient un monde captivant dont elle ignorait tout. Fauvarque les remit dans leur voiture, content de les voir s'en aller. Il rentra dans l'atelier avec 2 lettres en main. « Galerie Coustou, c'est pour moi, » dit-il en déchiffrant les enveloppes sous la lampe, « mais l'autre t'appartient. »« Qu'est-ce qu'il te dit, Coustou ?»« Il dit, attends une minute. » Il dit qu'il vient voir mes fresques dimanche prochain. » Jeanne se leva, battit des mains et se jeta au cou de son mari. « C'est bien ça, c'est bien, monsieur. Et quand votre exposition retentissante ?»« Dans 3 mois, madame, à la naissance du printemps, parmi les bourgeons clairs et les chants d'oiseaux. Mais dites-moi, je vous prie, de qui vient votre lettre ?»« Ah, c'est vrai, je l'oubliais. Cette écriture, sais-tu qui elle me rappelle ?»« Encore une surprise ?»« Valentine !» « Ah, ça me fait plaisir de savoir qu'ils existent toujours. » Jeanne ouvrit l'enveloppe avec une épingle à cheveux. « Oh, oh, ils ont changé de domicile. Les voilà avenue Raphaël. C'est que leurs affaires vont bien. » En parcourant la 2e page, elle ajouta. « Ils donnent une grande réception dans 1 mois et nous invitent. Nous y allons ?»« Chez les Santilès, bien sûr, ses vieux amis. »